tu sais. Que pour un oui, pour un non. L'homme se bat même sans raison. Tu sais. Que le passé sans souvenir. N'est qu'un présent sans avenir. Tu sais.